Zola. Adaptation Pauline Timonier. Réalisation Baptiste Guiton. Huitième épisode. Cela fait maintenant 2 mois que dure la grève des mineurs de Montsou. Après le saccage des fosses et l'intervention des gendarmes, Étienne a dû se réfugier à Réquillart, où personne n'a l'idée de le chercher. Seuls Souvarine et les Maheu savent qu'il ne s'est pas enfui, qu'il se cache tout près. Les ouvriers du coron n'ont plus rien à manger et brûlent leurs derniers meubles pour se chauffer. La petite Alzire, chez les Maheu, vient de mourir de faim sous leurs yeux impuissants. Un dimanche soir, Souvarine était seul dans la salle de l'auberge, à sa place accoutumée, la tête contre le mur. Jamais les débits n'avaient eu moins de clients. Aussi, Madame Rasseneur, immobile au comptoir, gardait-elle un silence irrité, pendant que Rasseneur, debout devant la cheminée de fonte, semblait suivre d'un air réfléchi la fumée rousse du charbon. Brusquement, dans cette paix lourde des pièces, 3 petits coups secs furent tapés au carreau. Souvarine reconnut le signal d'Étienne. Mais avant que le machineur eût gagné la porte, Rasseneur l'avait ouverte. Entre, Étienne. Est-ce que tu as peur que je ne te vende? Vous serez mieux pour causer ici que sur la route. Il y a longtemps que j'ai deviné où tu te caches. Si j'étais un mouchard, je t'aurais depuis 8 jours envoyé les gendarmes. Tu n'as pas besoin de te défendre. Je sais que tu n'as jamais mangé de ce pain-là. On peut ne pas avoir les mêmes idées et s'estimer tout de même. C'est demain que le travail reprend en Voreux. Les Belges sont arrivés avec le petit Négrel. Ouais, il a débarqué à la nuit tombée. Pourvu qu'on ne se tue pas encore. Non, vois-tu, je ne veux pas recommencer à nous disputer, sinon ça finira mal. Si vous vous entêtez davantage. Tiens, votre histoire est tout à fait celle de ton international. J'ai rencontré Pluchard avant-hier à Lille, où j'avais des affaires. Ça se détraque, sa machine, paraît-il. Après avoir conquis les ouvriers du monde entier, l'association est dévorée, détruite un peu chaque jour par la bataille intérieure des vanités et des ambitions. Pluchard en est malade. Avec ça, il n'a plus de voix du tout. Pourtant, il parle quand même. Il veut aller à Paris pour y parler. Et il m'a répété à 3 reprises que notre grève était fichue. Étienne, les yeux à terre, le laissait tout dire, sans l'interrompre. La veille, il avait causé avec des camarades. Il sentait passer sur lui des souffles de rancune et de soupçons, ces premiers souffles de l'impopularité qui annoncent la défaite. Et il demeurait sombre. Il ne voulait pas avouer son abattement. Sans doute la grève est fichue. Je le sais aussi bien que Pluchard. Mais c'était prévu, ça. Nous l'avons accepté à contre-cœur, cette grève. Nous ne comptions pas en finir avec la compagnie. Seulement, on se grise. On se met à espérer des choses. Et quand ça tourne mal, on oublie qu'on devait s'y attendre. On se lamente et on se dispute comme devant une catastrophe tombée du ciel. Alors si tu crois la partie perdue, pourquoi tu ne fais pas entendre raison aux camarades? Écoute, en voilà assez. T'as tes idées, j'ai les miennes. J'ai entré chez toi pour te montrer que je t'estime quand même. Mais je pense toujours que si nous crevons à la peine, nos carcasses d'affamés serviront plus la cause du peuple que toute ta politique d'homme sage. Si un de ces cochons de soldats pouvait me loger une balle en plein cœur, comme ce serait crâne de finir ainsi. Bien dit. Il n'y a besoin que d'un homme pour faire de leur machine l'instrument terrible de la destruction. Mais il faudrait vouloir. Personne ne veut, et c'est pourquoi la révolution avortera une fois encore. As-tu entendu parler des ouvriers chapeliers de Marseille? C'est dans les journaux. Comprends-tu ça, toi? Ils ont gagné le gros lot de 100 000 francs et tout de suite, ils ont acheté de la rente, en déclarant qu'ils allaient vivre sans rien faire. Ouais, c'est votre idée à vous tous, les ouvriers français. Hein, déterrer un trésor pour le manger seul ensuite, dans un coin d'égoïsme et de fainéantise. Jamais vous ne serez digne du bonheur tant que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d'être des bourgeois à leur place. Ils allaient tout de même pas renoncer au gros lot. Vous serez tous fauchés, culbutés, jetés à la pourriture. Il naîtra celui qui anéantira votre race de poltrons et de jouisseurs. Et tenez, vous voyez mes mains? Si mes mains le pouvaient, elles prendraient la terre comme ça. Elles la secoueraient jusqu'à la casser en miettes pour que vous restiez tous sous les décombres. Bien dit. Rentre. Je te dis que tu vas boire une chope là-dedans, Madame Rasseneur. Deux chopes, nous arrosons la reprise du travail. J'en connais qui ont dit que j'étais un mouchard. Et j'attends que cela me le répète un peu en face pour qu'on s'explique à la fin. Il y a les feignants et il y a les pas feignants. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai quitté la sale baraque à Denelin. Je descends demain au Voreux avec 12 Belges qu'on m'a donné à conduire. Parce qu'on m'estime. Et si ça contrarie quelqu'un, je peux le dire, nous en causerons. Et veux-tu boire, nom de Dieu? Allez, trinque. Trinque avec moi à la crevaison de tous les salauds qui refusent de travailler, hein? Alors, c'est la nuit que les taupes sortent. Il faut que les gendarmes dorment pour qu'on rencontre les brigands. Écoute, tu m'embêtes. Ouais, t'es un mouchard. Ton argent pue, encore quelques traîtrises. Et ça me dégoûte de toucher ta peau de vendu. N'importe, je suis ton homme. Il y a assez longtemps que l'un des deux doit manger l'autre. Longtemps. Il faut t'en dire pour t'échauffer, un bougre de l'asse. Toi, tout seul, je veux bien. Et tu vas me payer les cochonneries qu'on m'a faites. Allez, enfin, messieurs. Ça ne te regarde pas, Rasseneur. Il y en a un trop, c'est au plus fort de vivre. J'aurai ton nez, c'est ton nez que je fous quelque part là, donne donc ta gueule. Et roi, putain, j'en fasse de la bouillie pour les cochons. Et nous verrons après si les garces de femmes courent après toi. Tous sur ta carcasse. Relève-toi. Si t'en veux encore, nous allons recommencer. Relève-toi. Étienne, prends garde à son couteau. Lâche. Tu es des traîtres, tu vas y passer. Va-t'en. Relève-toi et va-t'en. Va-t'en, je t'achève. Non. Puisque c'est lui que tu veux, et couche avec lui, sale race. Et ne refous pas les pieds chez moi si tu tires à ta peau. Quand ils furent sortis de chez Rasseneur, Étienne et Catherine marchèrent en silence. Étienne, embarrassé de cette femme qu'on lui donnait, ne trouvait rien à dire. L'idée de la prendre et de la cacher avec lui à Réquillart lui semblait absurde. Je vais te reconduire au courant chez tes parents. Oh non. Oh non. Il faut pourtant que tu couches quelque part. Moi... Si j'avais seulement une chambre, je t'emmènerais bien. Leur passé lui revenait, leur gros désir d'autrefois, et les délicatesses et les hontes qui les avaient empêchés d'aller ensemble. Le souvenir des gifles qu'elle lui avait allongées à Gaston-Marie l'excitait maintenant au lieu de l'emplir de rancune. et il restait surpris. L'idée de l'apprendre à Réquillart devenait toute naturelle et d'une exécution facile. Voyons, décide-toi. Où veux-tu que je te mène ? Tu me détestes donc bien que tu refuses de te mettre avec moi. J'ai assez de peine, mon Dieu, ne m'en fais pas davantage. À quoi ça nous avancerait-il, ce que tu demandes, aujourd'hui que j'ai un galant et que tu as toi-même une femme ? C'était de la mouquette dont elle parlait. Et quand il lui jura que non, elle hocha la tête. Elle rappela le soir où elle les avait vus se baiser à pleine bouche. Est-ce dommage ? Toutes ces bêtises. Nous nous serions si bien entendus. Va. Ne regrette rien. Tu ne perds pas grand-chose. Ma pauvre petite. Ils étaient arrivés au Voreux, au pied du Terry. Un nuage d'encre passa sur la lune. Ils ne distinguaient même plus leurs visages. Et leurs souffles se mêlaient, leurs lèvres se cherchaient pour ce baiser dont le désir les avait tourmentés pendant des mois. Mais brusquement, la lune reparut. Ils virent au-dessus d'eux la sentinelle détachée du Voreux, toute droite. Et sans qu'ils se fussent baisés enfin, une pudeur les sépara. C'est décidé. Tu ne veux pas. Non. Toi, après Chaval, hein ? Et après toi, un autre ? Non, ça me dégoûte. Je n'y ai aucun plaisir. Pourquoi faire alors ? Sais-tu où tu vas au moins ? Je ne puis te laisser dehors par nuit pareille. Je rentre. Chaval est mon homme. Je n'ai pas accouché ailleurs que chez lui. Mais il t'assommera de coups. Oui. Et quand il en aura marre, il s'arrêtera. Ne vaut-il pas mieux ça que de rouler les chemins comme une gueuse ? Sur 10 filles, 8 ne tombent pas mieux que moi, tu sais. Étienne ne trouvait rien pour la convaincre, malgré le gros chagrin qu'il éprouvait à la voir retourner avec Chaval. Il n'avait guère mieux à offrir, une existence de misère et de fuite, une nuit sans lendemain, si la balle d'un soldat lui cassait la tête. Peut-être, en effet, était-ce plus sage de souffrir ce qu'on souffrait sans tenter une autre souffrance. Et il la reconduisait chez son galant, la tête basse. Ne viens pas plus loin. S'il te voyait, ça ferait encore du vilain. Adieu. Il n'est pas rentré, je vais me coucher. Je t'en supplie, va-t'en. En rentrant, comme il passait près du terri, la lune se montra très claire. Étienne leva les yeux et un spectacle au sommet du terri l'arrêta. La sentinelle, raidie par le froid, s'y promenait. Et ce qui intéressait le jeune homme, c'était derrière la cabane une ombre mouvante, une bête rampante et aux aguets qu'il reconnut pour Jeanlin. La sentinelle ne pouvait l'apercevoir, ce brigand d'enfant préparait à coup sûr une farce, car il ne décolérait pas contre les soldats. Un instant, Étienne hésita à l'appeler pour l'empêcher de faire quelques bêtises. Il l'avait vu se ramasser sur lui-même, prêt à bondir. À chaque tour, la sentinelle s'avançait jusqu'à la cabane, puis tournait le dos et repartait. Et, brusquement, Jeanlin sauta sur les épaules du soldat, d'un bond énorme de chat sauvage, s'y agrippa de ses griffes, lui enfonça dans la gorge son couteau grand ouvert. Cela fut si rapide qu'il y eut seulement dans la nuit un cri étouffé, pendant que le fusil tombait avec un bruit de ferraille. Étienne monta sur le terri au pas de course. Il trouva Jeanlin à quatre pattes devant le cadavre. Pas une goutte de sang n'avait coulé, le couteau était encore dans la gorge, jusqu'au manche. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça, nom de Dieu ? Je ne sais pas, j'en avais envie. J'en avais envie. Depuis 3 jours, la tête me fait mal, derrière les oreilles, à force d'y penser. Est-ce qu'on a gêné avec ces cochons de soldats qu'embêtent les charbonniers chez eux ? Étienne, épouvanté de cette végétation sourde du crime au fond de ce crâne d'enfant, tremblait que le poste du Voreux n'eût entendu le cri étouffé de la sentinelle. Mais rien n'avait bougé. Il se pencha sur le corps du soldat et une grande pitié le saisit. Quelle abominable chose de se tuer entre pauvres diables pour les riches. Mais il fallait faire disparaître ce cadavre. Les minutes pressaient, quelle décision prendre ?

Alors elle resta assise dans la crotte, regardant son vieux d'un air hébété. La fosse était libre. On aperçut les visages effarés de Négrel et de Dansard à la fenêtre de la recette. Souvarine était derrière eux, le front barré d'une grande ride, comme si le clou de son idée fixe se fût imprimé là, menaçant. Les blessés hurlaient, les morts se refroidissaient dans des postures cassées, boueux de la boue liquide du dégel, ça et là envasés parmi les taches d'encre du charbon qui reparaissaient sous les lambeaux salis de la neige. Nicolas Gonzalez, Jules Ritmanic, Didier Brice, Bernadette Le Sachet, Cécile Péricone, Étienne Galarague et Sophie Daul. Musique originale, Sébastien Quincet. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chesneau. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr.